Il a débarqué chez moi, j'avais 6 ou 7 ans. J'ai jamais pris pour un jouet, même si j'étais un enfant. À cette époque, je décline déjà la mélodie en noir et blanc. C'est la danse des phalanges, et chaque jour j'apprends. J'm'oublie là-dedans quand résonnent les cris de mes parents. La rage de papa se mêle aux pleurs de maman. Alors j'lis mes partages et j'm'exprime comme un grand. Sans un mot, j'laisse courir le moindre sentiment. Entre comportement mélancolique et violent, entre arrangements mélodiques, stupeur et tremblement. Petit bonhomme en exil sur sa planète. Où il se ment, plus dur sera la chute quand Marmot deviendra grand. Mon maître a pensé en la matière. Une femme honorable, une femme entière qui encaissait mes pétages de câble. Elle et lui m'enseignèrent que la passion n'est pas une fable. Sans remise en question, tu deviens misérable. Que si tu fermes ton cœur, c'est là que l'amour devient palpable. Possédé comme un diable, je me régale quand je dévale. Que je dévore son corps et à mon tour, je le possède et sans sa chair, sans être corps. Mon classique à l'hardcore, une histoire d'amour. Mais le jeune adolescent est doué dans le rôle du feignant. Il rêve mais ne vit pas et avance en se plaignant. Il crève et ne rit pas et recule enseignant. Dit non merci poliment, se cachant dans ses vêtements. Il abandonne cet ami qu'il aimait tellement. Lui qui l'avait bercé pendant les nuits endiablées. Lui qui avait écouté ce que jeune marmot répétait au fil des soirées. Traduisait dans leur langage codé, primitif. Tout un tas de trucs de barré dans leurs délires intuitifs. Mais Mino oublie tout et s'endort sur un spliff.